Chapitre 9. La guerre ou la bataille de Gingin. 11 et 12 octobre 1535. 9-9. La bande monte sur les hauteurs du Jura. Neige, fatigue, famine, courage. La troupe à Saint-Sergue. Trois jeunes hommes se présentent à elle. Savoie part pour Copé. Les Suisses descendent du Jura. 3 à 4 000 hommes les attendent. Rencontre des deux chefs opposés. La bataille commence. Beaucoup de nobles et de prêtres tombent morts. Morts de 100 prêtres. Mangereau paraît. Second combat, le champ de Gingin. Une troisième attaque se prépare. Quelle route allait prendre cette petite armée? Il semblait n'y avoir pour elle d'autre chemin que le pays de Vaud. Mais les capitaines du duc de Savoie occupaient cette contrée. Ils séparaient de Genève la bande de Wildermuth et pouvaient facilement lui opposer 4 à 5 000 hommes. De plus, si les auxiliaires suisses avaient suivi cette voie, ils eussent dû passer devant Yverdon et d'autres villes fortes capables de les arrêter. « Je me charge, avait dit Wildermuth, de mener mes compagnons secrètement et promptement à Genève. » Comment mener secrètement 4 à 500 hommes? Il avait formé pour cela un dessein hardi, étrange, au moyen duquel il franchirait la distance qui sépare Neuchâtel de Genève, sans qu'on sût même qu'il le faisait, et se présenterait aux Genevois en détresse et aux Savoyards leurs ennemis, au moment où nul d'entre eux ne l'attendrait. Le vieux capitaine entendait tourner le Jura, et pour cela traverser le Val de Travers, entrer dans la Franche-Comté, se porter sur Saint-Claude, et de là, passant par la Faucille, descendre directement sur Genève. Ces hommes se mirent donc en marche. Ils traversèrent Couvet, Mautier et autres villages du Val, mais à peine en avaient-ils franchi les dernières prairies qu'ils trouvèrent les routes montagneuses et abruptes, qui les séparaient des Verrières et de Pontarlier, entièrement fermées par les Savoyards. Wildermuth, après avoir tenu conseil avec les autres chefs, résolut, au lieu de tourner le Jura, d'en traverser les hautes vallées. Quelques-uns objectaient la saison, les précipices, l'absence de chemin frayé. Mais les chefs ne voyaient pas d'autre moyen d'échapper aux corps d'armée qui voulaient les arrêter. La bande était si peu nombreuse que si elle livrait 2 ou 3 combats avant d'atteindre Genève, une poignée d'hommes à peine entrerait dans la malheureuse cité. Ayant donc tourné à gauche vers le midi et passé le village de Butte, les auxiliaires montèrent péniblement le sentier escarpé qui, se glissant entre le mont Chasseron et celui de la Côte aux Fées, conduit à Sainte-Croix. Ils traversèrent ce village, descendirent vers Valorbe et montèrent alors dans les hautes vallées de Joux. Ces héroïques aventuriers furent 2 jours, vendredi et samedi, sur ces sauvages et froides hauteurs. Tout y était déjà couvert de neige, et ils en avaient jusqu'aux genoux, obligés ainsi de se frayer leur route avec des peines inouïes. Il ne faut pas oublier que parmi eux, il y avait des femmes. C'était le temps le plus froid de l'année, dit Froment. L'hiver était hâtif et rigoureux. D'épais flocons de neige tombaient et couvraient ces braves d'un manteau blanc. Aussi ne se mouvaient-ils que lentement. Mais Wildermuth, malgré son âge, Bayeux, malgré sa petite taille, Savoie, malgré ses fatigues, était intrépide. L'un d'eux marchait toujours en avant, et quand il s'agissait d'attaquer des passages difficiles, il s'élançait comme à l'assaut avec une bouillante ardeur sur ses boulevards glacés. Il n'y avait alors dans la vallée que 20 familles et quelques religieux de l'ordre des Prémontrés, qui s'étaient établis au XIIe siècle au lieu qui s'appelle encore l'abbaye. À l'approche de cette troupe inattendue d'hommes blancs, les habitants de ces hauteurs s'enfuyaient épouvantés avec ce qu'ils avaient de meilleur. Et ces nobles champions de l'indépendance et de l'Évangile ne trouvaient nulle part ni hommes ni provisions, en sorte que la famine les pressait fort. Ils se jetaient dans de pauvres jardins, mais n'y recueillaient pour apaiser leur faim que quelques troncs de choux et de raves. Encore bien peu, ajoute le chroniqueur. Toutefois, ils ne perdaient pas courage. Ils allaient au secours de Genève, et chaque pas les en rapprochait. Cette pensée exaltait leur intrépidité. Les neiges entassées, qui souvent leur fermaient le chemin, étaient franchies avec une animation toujours nouvelle. Le samedi, vers l'après-midi, ces braves atteignirent le lac sauvage des Rousses. Ils tournèrent alors à gauche pour se diriger vers la vallée du Léman, cheminant lentement entre de longues rangées de sapins. Enfin, la troupe, accablée de fatigue, arriva à Saint-Sergue, sur les hauteurs du Jura, qui domine Nyon, à 2 800 pieds au-dessus du lac. Les vaillants hommes que conduisait Wildermuth s'attendaient à trouver les vivres dans ce village, mais là aussi point d'habitants, point de provisions. Toutefois, il y avait des maisons et même des lits. les chèvres résolurent d'y passer leur nuit et placèrent des sentinelles tout alentour. Que fera-t-on le lendemain ? On eût pu, à la rigueur, continuer à cheminer péniblement dans la montagne jusqu'à la faucille, pour de là descendre par jet sur Genève. C'était, à ce qu'il paraît, le plan primitif de Claude Savoie. Mais la plupart de ses compagnons, pressés par la faim, fatigués des neiges et des routes ardues du Jura, demandaient à descendre immédiatement dans la belle vallée du Léman. En vain leur représentait-on qu'ils rencontreraient infailliblement, près de Nyon, les troupes ducales. Ils répondaient qu'ils avaient été 2 jours sans manger. Comme une troupe affaiblie par la disette, comment une troupe affaiblie par la disette pourrait-elle délivrer Genève ? Rien n'était encore décidé quand des sentinelles avancées amenèrent 3 jeunes hommes qu'elles venaient de saisir près du village. Wildermuth et les autres chefs les examinèrent. C'étaient les premiers êtres humains qui s'étaient approchés d'eux depuis qu'ils s'étaient enfoncés dans le Jura. « Ce sont les Genevois qui nous envoient pour vous servir de guide, » dit l'un des 3. Les troupes ducales sont réunies non loin de la montagne, au nombre de 4 à 5 000, tant cavaliers que fantassins, et elles se préparent à vous envelopper, à vous faire prisonniers et vous pendre. Suivez-nous, et nous vous conduirons à Genève sains et saufs. » Claude Savoie ne connaissait point ces hommes, ce qui n'était pas de bon augure. Mais Wildermuth et les siens avaient de ces cœurs sincères qui ne supposent pas facilement chez les autres la perfidie. Trop heureux de trouver des guides, ils résolurent de suivre le lendemain matin les jeunes gens. C'était le soir, chacun se prépara à prendre un repos bien nécessaire. Il y avait pourtant un homme dans cette vaillante troupe qui ne devait pas se reposer. Le « Genevois », comme il est communément appelé dans ce récit, croyant que les destinées de sa patrie allaient se décider, ne pouvait dormir. Sur ces entrefaites, un homme du pays, ayant des allures mystérieuses, se présenta aux avant-postes et demanda à le voir. Aussitôt Savoie s'aboucha avec lui. Ce messager lui dit qu'il venait de la part de l'un des nobles, réunis alors autour de Monseigneur de Lulin, gouverneur de Vaud. C'était le seigneur d'Allinges. Il avait quitté le château de sa famille, situé près de Thonon, sur une colline escarpée, dont les belles ruines font encore l'admiration des voyageurs, et s'était joint aux gentilshommes savoyards. Ami personnel de Savoie, il lui faisait dire que messieurs Louis de Diesbach et Rodolphe Negelli, envoyés de Berne, était arrivé au château de Copé afin de se porter comme médiateur dans l'affaire. Cette nouvelle émut Savoie. La diplomatie bernoise voulait-elle annuler ses efforts ? Il aurait pu attendre jusqu'au matin, mais son caractère le portait toujours en avant. Il résolut de partir seul et sur l'heure. D'Allinges lui envoyait un papier signé de sa main qui devait lui tenir lieu de sauvegarde. Après avoir conféré avec Wildermuth, Savoie quitta Saint-Sergue. Au moment où tous allaient se livrer au repos de la nuit, il descendit précipitamment la montagne, quoique non sans peine, et traversant les broussailles, franchissant les rochers, il arriva enfin au pied du Jura. Il y trouva un beau coursier espagnol que D'Allinges lui envoyait. Savoie sauta en selle et courut bride abattue sur Copé. De leur côté, les Suisses, qui avaient couché à Saint-Sergue, ne perdirent pas de temps. Debout de bonne heure, le dimanche matin, ils partirent sous la conduite des 3 jeunes guides. Genève était une brebis tombée dans la fosse. Il fallait courir à son secours. La troupe passa près du château, où tout à coup se dévoile au regard de ceux qui ont été longtemps encaissés dans des gorges plus ou moins étroites, un monde éclatant de beauté. Le lac, sa riche vallée, toute peuplée de riants villages, les Alpes magnifiques, au sein desquelles le Mont Blanc élève sa tête royale, Genève et les tours de son antique cathédrale. Heureux d'apercevoir la ville au secours de laquelle ils accouraient, ces hommes généreux la saluèrent avec joie. Ils descendirent et arrivèrent près de Gingin, une lieue au-dessus de Lyon, dont le château était alors habité par un frère du vicaire général de Genève. Les hommes de Wildermuth, harassés, affamés, espéraient, d'après ce que les guides leur avaient dit, trouver là en abondance la nourriture dont ils avaient tant besoin. Entre la montagne et le village se cachait derrière un taillis un ravin creusé par les eaux qui, lors des grandes pluies, tombent de la montagne. À peine pouvait-on y tenir 2 de front. Un ruisseau coulait au fond et des haies épaisses le bordaient de part et d'autre. Les conducteurs de ces vaillants hommes leur dirent qu'ils devaient se garder d'aller jusqu'au village, de peur que l'ennemi ne fût ainsi instruit de leur arrivée, et les invitèrent à se cacher dans le ravin et à les y attendre. « Nous courons à Gingin, dirent-ils, nous en rapporterons de quoi vous restaurer, puis nous partirons tous pour Genève. Allez, leur répondit-on. « Nous payerons bien tout ce que vous trouverez. » Les Suisses se rangèrent sans bruit dans cette voie creuse et leurs guides les quittèrent. Or, il se trouvait à Gingin une troupe ennemie, composée d'Italiens, de Savoyards, de gentilshommes et d'hommes d'armes des bailliages de Nyon, de la Côte, du pays de Gex, de la Sarran et d'autres localités. Les prêtres avaient prêché la croisade dans les paroisses, ils avaient fait plus, ils s'étaient armés eux-mêmes et avaient marché en tête de leur village, disant qu'ils ne poseraient pas les armes, que l'hérésie ne fût extirpée de la vallée du Léman. Tous ces soldats attendaient les Suisses, impatients de fondre sur la petite bande dont on avait vu les 400 à 500 soldats mal armés descendre la montagne. Le duc de Savoie avait sur pied pour les arrêter 3 à 4 000 hommes, selon le rapport officiel. Froment, qui exagère souvent les nombres, parle de 4 à 5 000, et il met parmi eux des Espagnols. Ces troupes étaient partagées en divers corps, et un seul se trouvait alors à Gingin. Cette première division, composée de 1 500 hommes, était commandée par le sieur de Lugrin, chef du contingent du pays de Gex, et italien selon un manuscrit. Dévoué à l'église romaine et à son maître le duc, Lugrin détestait Genève à la réforme. C'était vers lui que s'étaient portés les trois guides. Reçus au château, ils lui font connaître le résultat de la ruse de guerre à laquelle ils avaient eu recours, et lui apprennent que les Suisses se trouvent renfermés comme des prisonniers en un lieu étroit, où il leur est impossible de se mouvoir et où les égorger sera chose facile. Aussitôt Lugrin se met à la tête de ses gens, sûr d'écraser du premier coup des aventuriers, épuisé par la fatigue et par la faim, et d'inonder du sang des hérétiques le profond ravin des montagnes. Les amis de Genève attendaient avec candeur, dans le silence, les vivres qu'on leur avait promis. Bientôt, il leur semble ouïr un certain bruit. Le capitaine Erhard et quelques autres lèvent la tête. Quel est leur étonnement lorsque, au lieu de leurs trois prétendus amis leur apportant du pain, ils voient une troupe nombreuse de cavaliers et de fantassins bien armés qui s'avancent et s'apprêtent à leur servir un tout autre festin. Wildermuth, sans hésiter, sort du ravin. En même temps, le sieur de Lugrin s'avance et les deux chefs, chacun accompagné d'un subalterne, se rencontrent entre les deux troupes. « Quel est votre dessein ?» dit Lugrin. « Allez à Genève, » répondit Wildermuth. « Nous ne vous donnerons pas le passage. Eh bien, nous le prendrons. » Alors l'officier qui accompagnait Lugrin assène un coup du bois de son arquebuse à Wildermuth et celui-ci tombe. Mais le Neuchâtelois qui l'accompagne frappe à son tour le Savoyard et, dit un manuscrit, le tue. Wildermuth se relève aussitôt et court vivement vers les siens pour donner l'ordre de la charge. Les soldats qui composaient la troupe du duc de Savoie étaient des hommes courageux, pleins d'enthousiasme pour la cour de Rome. Ils couvrirent une colline située entre le ravin et le château. Ils s'ébranlèrent et, étant arrivés à portée, ils firent feu de leurs mousquets. Mais les Suisses étaient encore au fond du ravin. Le plomb passa par-dessus leur tête. « En avant !» cria dans ce moment Wildermuth. Au même instant, ces hommes indignés de se voir joués et trahis sortirent de leur fossé, se jetèrent à travers la haie, se placèrent tardivement en présence des ennemis et firent une décharge qui en jeta bas plusieurs. Puis ces Suisses valeureux, que la faim et la colère excitaient, ne se donnant pas le temps de recharger leurs armes, se jetèrent avec impétuosité sur les Savoyards. On eût dit des ours ou des loups que les neiges et la faim chassaient de ces montagnes et qui venaient chercher dans la plaine quelques proies à dévorer. Ceux qui avaient des épées se battaient à l'arme blanche, ceux qui avaient des mousquets s'en servaient comme de massues. On se prenait corps à corps et la mêlée était affreuse. Au milieu de la lutte se trouvait l'héroïne de Nidao avec son mari et ses trois fils, tous fervents à l'évangile. Maniant son glaive à deux mains, elle affrontait les Savoyards. Cette famille de 5 personnes, père, mère et enfants, fit une très grande déconfiture de gens, dit Froment. Le mari fut tué, les enfants furent blessés, mais la mère n'eut pas de mal. C'était chose admirable que de la voir, dit le chroniqueur. Nul n'attaquait l'ennemi avec une telle intrépidité. Une autre femme, selon Stettler, rivalisait de courage, frappait à droite et à gauche, et déjà 4 Savoyards avaient mordu la poussière quand elle tomba elle-même atteinte d'un coup mortel. Les hommes ne restaient pas en arrière. Saisis d'une fureur martiale, ils passaient leurs épées au travers du corps de leurs ennemis ou les assommaient de leurs arquebuses, ou bien, rechargeant rapidement leurs armes à feu, ils les menaient bas à distance. Fins arquebusiers, ils choisissaient leurs victimes. 40 nobles, la plupart chevaliers de la cuillère, mordirent la poussière, et les prêtres payèrent à la mort un grand tribut. À la colère fanatique du clergé, qui marchait lui-même courageusement au combat, répondait la colère vengeresse des Suisses, irrités de rencontrer des hommes de paix sur le champ de bataille. Wildermuth avait signalé à ces gens les faux prêtres. Eh bien, les voilà maintenant, il faut les immoler, comme le fit autrefois Élie. Les curés, qui ne s'étaient pas attendus à une telle résistance, voyaient ces terribles Helvétiens auxquels 2 jours de souffrance et la perfidie de leurs ennemis donnaient une sorte de transport, les immoler avec indignation. Une imagination exaltée pouvait seule, peut-être, assurer la victoire aux Suisses. Un d'eux, surtout, semblait être l'ange de la mort. L'indignation qu'il éprouvait en voyant des ministres de Dieu manier le glaive l'emportait. Et 20 d'entre eux tombèrent sous ses coups, terrible accomplissement de cette parole de Jésus-Christ à Pierre, « Ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée. » 100 de ces ministres de la paix, devenus ministres de la guerre, restèrent morts ou blessés sur la place. Le bruit était affreux et s'entendait au loin. Pendant que cette bataille se faisait, dit Froment, furent de grands éclairs en l'air et un grand tonnerre. Y eut-il un orage, ou ces paroles ne sont-elles qu'une figure ? Peut-être prit-on de loin dans le moment, pour éclairs et tonnerres, le feu et les détonations du combat. La défaite semblait totale et définitive. Wildermuth et les siens croyaient n'avoir plus qu'à marcher sur Genève quand une circonstance inattendue les obligea à tout recommencer. Un autre corps de l'armée de Savoie, le plus rapproché, appelé par le bruit des combattants, accourut au secours de Lugrin. Il était commandé à ce qu'il paraît par Michel Mangereau, baron de la Sarra. Il est même le seul chef de son parti nommé par quelques historiens. Mangereau, français d'origine, mais qui avait pris possession de la seigneurie de la Sarra, était depuis la mort de Sieur de Pontvert le plus terrible des chevaliers de la cuillère. Malgré ses efforts, nul ne put tenir devant l'ardeur des Suisses, et partout l'intrépidité triompha du nombre. Ces grands Welches, comme le chroniqueur allemand appelle les Savoyards, étaient effrayés, découragés. Ils jetaient leurs armes, tournaient le dos et prenaient honteusement la fuite, laissant le champ de bataille couvert de biscayens, de cuirasses, de lances, de chevaux, morts, de cadavres, parmi lesquels, dit le catholique Pierre Fleur, se trouvaient ceux de beaucoup de bons personnages. La perte des Savoyards fut inégalement estimée de 500 à 2000. Au premier rang des victimes de la guerre, les Suisses reconnurent leurs 3 perfides conducteurs. Eux-mêmes n'avaient perdu que 7 hommes et une femme. La colline où se donnèrent ces terribles coups s'appelle encore en souvenir de ce combat le Molar ou le Môle des morts. La valeureuse bande du Jura, à la vue des victimes de cette journée, s'arrêta sur cet affreux champ de bataille et, fléchissant pieusement les genoux au milieu des armes éparses et des cadavres sanglants de ses ennemis, rendit grâces à Dieu du grand et inattendu triomphe qu'il venait de lui accorder. Les sentiments qui les animaient ont été exprimés par un poète suisse du temps dans le chant du soldat bernois après la bataille de Gingin, dont voici quelques strophes. « Berne, ô Berne, tu as de quoi te réjouir, car Dieu nous a fait une grande grâce et nous a donné un grand secours. On nous haïssait parce que c'est à son nom seul que nous voulons rendre gloire. Mais tu t'es chargé de nous venger, vieil ours. Tu as mis l'épée aux mains de tes fils et les as couverts du bouclier pendant le combat. » Ils s'avançaient, impatients de délivrer Genève, que les serviteurs de la messe pressaient de toutes parts. La famine ne les arrêta pas, les obstacles ne domptèrent pas leur courage. La vue soudaine, inattendue de leurs ennemis, ne fut pas capable de troubler leur cœur. Ceux-ci étaient 7 contre 1, et un petit nombre des nôtres seulement avaient des armes. « N'importe, se sont-ils dit, Dieu, notre Dieu, sera notre hallebarde. Aussitôt chacun de nous s'élance à travers la haie, et chacun court au combat. Dieu combattait pour nous. Oui, nous le sentions dans nos cœurs. Il déployait pour nous sa puissance et répandait la confusion dans les rangs des chevaliers parés et lustrés de Bélial. Oh, comme tes oursins leur apprennent à danser, quelle façon courtoise ils ont avec les prêtres, comme ils leur donnent dévotement l'absolution, à grands coups de hallebarde. À nous et la victoire, en avant, courage, à Genève, courons secourir l'affligé, consoler nos frères abandonnés de tous et sauver ceux dont le seul forfait est d'aimer l'Évangile et d'en être les enfants. » Cependant, le bruit du combat s'était répandu dans cette belle contrée. Tous les villages voisins étaient en émoi. Des estafettes, envoyées par Lugrin, appelaient avec hâte divers corps postés à distance au secours de ce malheureux commandant. Ses troupes accouraient à pas précipités. Quand les Suisses eurent achevé leur action de grâce, ils regardèrent devant eux et s'aperçurent que les chefs ennemis étaient occupés à refaire leurs rangs éclaircis et que de nouvelles bandes rejoignaient l'armée savoyarde. Le sire de Lugrin et le baron de la Sarraz pouvaient, à la tête de ses troupes fraîches, appuyées des anciennes, attaquer le terrible bataillon posté sur le Mollard. Les Savoyards étaient en forte majorité, et leur chef décidé à tout faire pour rétablir leur honneur et écraser la liberté dans Genève. Les Suisses n'hésitèrent pas, ils se mirent en marche et descendirent le Mamelon pour dissiper de nouveau leurs adversaires. Le combat allait donc recommencer. Des hommes affamés, exténués, pourraient-ils soutenir le choc de ces soldats qui brûlaient du désir de venger la mort de leurs amis? C'était la question. Quelques heures peut-être allaient y répondre. Mais une circonstance inattendue vint imprimer aux événements une marche toute nouvelle.